coups insistants agite la clenche de fer sur le portail de l'église Saint-Rémy, frappé si fort qu'il arrive presque à couvrir le tambourinement de la pluie. Le temps s'écoule et les coups redoublent. Derrière la porte, on finit par entendre « Une minute, une minute !» Un bruit de clé, et enfin la sous-porte s'ouvre sur un prêtre en forme de tonneau, le nez armé de besicles, les cheveux blancs de la tonsure en désordre. Restez pas toqués, rentrez, rentrez, restez pas puisés. Celles qui ne se font pas prier pour s'engouffrer, ce sont deux bonnes sœurs accompagnées d'un âne qui a les quatre pieds blancs et les oreilles à l'avenant, et le bout du nez pâle. Les trois sont trempées comme des soupes, dégoulinant, sombres et délavées à la fois. Le curé commence à boiler quand l'âne tout crotté se fraye un chemin dans la nef, mais la plus jeune des sœurs tape du pied d'un coup si fort qu'il se tait. Merci, merci, fait la plus âgée. Je suis la sœur Jacqueline, et voici la sœur Marie des Eaux. Nous venons du couvent des sœurs du Très-Saint-Sauveur, et nous sommes mandatées par le diocèse de Saint-Dié. Encadrée par son voile, la sœur Jacqueline avait un visage tout rond, qui la rendait difficile à dater. À la rigueur, la coupe rose de ses joues aidait davantage, environ la cinquantaine, arrosée à la bière de lichen. Elle avait une voix forte mais douce, et posée à la fois, qui rassura le curé. Je pensais pas que la forêt serait aussi drue si bas dans la vallée. En effet, elle n'en avait émargé que pour tomber sur le panneau du village, les Voivres, tout bouffé par des lichens en forme de trompette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Voivres, ça veut dire les friches. Sœur Marie des Eaux était pour sa part très jeune. Sa robe de novice était ceinturée de portes accessoires, ce qui dénotait un côté baroudeur plutôt surprenant pour une nonne. Mais elle n'avait pas la tête du métier de toute façon, elle avait un visage fermé et semblait en permanence sur le qui-vive. Entre l'équipement qui la surchargeait, livres et outils, sa silhouette maigre comme un coup de trique et ses traits androgynes, elle était difficile à genrer. D'ailleurs, le curé s'est surpris à parler d'elle au masculin, et c'est ce que tout le monde faisait en général. Comment il a fait pour traverser toute la forêt depuis Saint-Dié? C'est le Maurice, c'est notre âne. Il connaît par cœur cette route du diocèse. On n'a fait que de le suivre, et puis des fois on a demandé notre chemin pour vérifier, où on a rejoint les caravanes qui nous paraissaient les plus honnêtes. Je suis l'abbé Houillon, je ne fais que l'église des Voivres et la chapelotte de Bonne-Espérance. Alors, vous avez enfin reçu un de mes pigeons? Je pensais qu'ils s'étaient tous fait bouffer. Si, nous en avons reçu un, annonça la sœur Jacqueline. Nous avons un mandat d'exorcisme du diocèse de Saint-Dié. Attendez, vous allez peut-être vite en besogne, hein. Suivez-moi, je vais tout vous expliquer. Le banquet battit ensuite son plein. On jeta un ou deux tocs dans la grande cheminée et la grande salle s'emplit d'une odeur de résine et de suie qui fit du bien aux nerfs et au corps. Si bien que les plus inaptes à la fête finirent par manifester l'enthousiasme que la bière de lichen n'avait pas encore réussi à réveiller. Seule la sœur Marie des Eaux gardait cet air renfrogné que les personnes comme elle, atteintes de douleurs chroniques, pouvaient afficher. Ce renfermement indéridable des traits, cette torture de la chair imprimée dans la face. Parce que quand les gens des Voivres trinquaient en l'honneur de l'automne, rejoints par la sœur Jacqueline, qui ne se faisait jamais prier pour partager les instants de convivialité, eh bien, la sœur Marie des Eaux restait prisonnière de ces eaux qui lui rentraient dans les organes. Elle continuait donc à grincer des dents et ne daignait même pas faire semblant d'être heureuse d'être là. Elles étaient en bout de table avec le Fréchin et l'abbé Houillon, la place d'honneur dos à la cheminée avec les craquements du bois qui se joignaient aux conversations. À l'autre bout, accompagné de sa cour, avide de ragots, un homme édenté d'âge canonique, avec des lunettes noires qui lui occupaient tout le visage. On le leur désigna comme l'onquin à mouchotte, une sorte de contre-pouvoir dans le village. La Bernadette, tout sourire, leur servit le cochon qu'elle venait d'apprêter. Il était tout en sauce, et les parts étaient généreuses, et le Fréchin et l'abbé Houillon eurent même un bout de la tête et de la cervelle, que le curé s'empressa de vanter comme étant la partie la plus noble du plat, les viandes blanches étant le lot des enfants et des sots. La sœur Marie des Eaux refusa son assiette et obligea la cuisinière à ne lui servir que des oignons. La sœur Jacqueline porta la viande à sa bouche avec délice. Mais elle n'eut le bonheur que d'une bouchée, car la sœur Marie des Eaux planta son opinel sur la table avec un « N'y touchez pas » qui n'aurait supporté aucune réplique. La sœur Jacqueline devait se confesser une chose. Son novice lui faisait peur. Pour se consoler de ne pouvoir manger plus de cochon, elle en parla. D'où vous vient un si beau cochon? C'est un cochon des Soubises, expliqua l'abbé Houillon. Ils l'ont offert en l'honneur de Saint Constant. Et ils sont là, les Soubises? Non, vous savez, ils ne sortent pas beaucoup de leur ferme. C'est la prochaine après l'auberge. Comment ils ont fait pour avoir un tel morceau? Demanda la sœur Marie des Eaux. Alors là, vous m'interrogez sur les mystères de l'élevage. Il y eut même du dessert avec de la tarte aux brimbelles qui fit le bonheur de la sœur Jacqueline, et dont sœur Marie des Eaux ne mangea qu'une fourchettée. Et un gars sortit un accordéon tout râpé. On se mit à chanter et à danser. Il y avait des guirlandes de feuilles mortes et de la goutte en l'honneur de l'automne. La sœur Marie des Eaux jeta son verre de goutte dans le feu, mais la sœur Jacqueline ne sut pas prier. La Mirabelle tit très fort. Elle s'empourpra aussitôt, elle se sentait environnée de chaleur à l'intérieur comme à l'extérieur. La gorge lui piquait et la tête lui brûlait. C'était agréable. Il n'y avait pas que des choses terribles dans ce monde. L'averse faisait tellement de bruit que la phrasie Pierron dut bien frapper une vingtaine de fois à la porte de la Mélie Tieutieu pour qu'elle vienne le rouvrir. Oui, mon vieux, j'ai bien de la misère, mais vous, c'est en copeille. Venez donc voir par ici, vous êtes puisé comme les chaussettes d'un garde-pêche. Rentrez dedans et clenchez bien la porte derrière vous, qu'on ne soit pas inondé, hein, et mettez des flaps à vos pieds. Qu'est-ce qui sent si bon par ici? Demanda le père Benoît, soudain ragaillardi. Vous avez bien schmiqué? White, c'est rien du tout. J'ai fait ma provision de beignets drapés pour la semaine, mais ma foi, vous arrivez à temps, vous allez les manger, j'en referai. Et j'ai une tarte aux brimbelles sur le founet, et puis encore de la liqueur de bourgeon de sapin. Et puis, vous prendrez bien une petite lichette de vin rouge. La Mélie Tieutieu fut pleine de prévenance pour la sœur Marie des Eaux qu'elle avait d'évidence en sympathie. Elle lui proposa 100 fois de resservir, 100 fois ce fut décliné. Elle s'approcha de lui pour lui marmonner à l'oreille. Il est bien goulaf, votre curé de Saint-Dié, ça fait plaisir. Comment il m'a bien margolé tout ça? Le temps de la chicorée fut mis à profit pour le quaroi, parler de tout et de rien, évoquer les chers disparus, et enfin l'heure propice pour toutes vos gênes de rappeler ses malheurs. C'est qu'on est cagneux, on tient plus debout. Et par ce temps, mes rhumatismes, ils dansent la soyotte dans mes os. Ça fit sourire le novice, qui aimait à trouver des complices en douleur. Le phrasie Pierron s'absenta pour aller quérir des simples et des pétenelles dans les chênaies alentours, au milieu des ruines de Gremifontaine. Quand la Mélie Tieutieu la sentit assez loin, elle se redressa sur sa chaise, resserra sur sa tasse ses mains pleines de taches, et fixa les exorcistes avec ses lunettes à double foyer. Son bec de lièvre tremblait. Mais qu'est-ce qui vous prend en don d'aller vous enterrer à Certigny avec pour guide cette grande guéniche, ce camp volant qui est tout juste bonne à repriser nos vieilles culottes? Elle vous a dit quoi? Qu'elle vient de Fieuzet? C'est pas vrai, elle vient de nulle part. Ou alors du pétieux du monde, cette bonne amie du diable. Le lendemain de ce désastre, le père Houillon en constatait un autre, cette fois dans son clocher. Plus un seul pigeon. Les corbeaux les avaient donc tous mangés. Il ne restait plus que ce merle qui avait appris à dire la messe. Et Spiritus Sancti! Tais-toi, toi! Te prêche pour rien, Dotto! La sœur Marie des Eaux, quant à lui, priait au pied de l'autel, dans la chapelotte. Il arpentait les couloirs enténébrés de son château intérieur, une pétoche à la main, passant l'autre sur la suie des murs, respirant les volutes de poussière et d'anthracite, trébuchant dans les amas de branches au sol, frissonnant dans le froid de cette demeure oubliée depuis si longtemps, Il croyait entendre les rires de Raymond, son jeune frère disparu, s'il eût jamais existé. Et ce rire se mua en ricanement, en couinement, alors que le novice s'extrayait de ses songes. Sortant le groin du tabernacle, un porc grelet fit son apparition. La chose n'avait que des globes couverts de peau translucide en guise d'yeux, et se traînait sur ses deux pattes avant, son arrière-train sans anus rempli de sa propre merdre. Tu l'aimais bien, le père Benoît, n'est-ce pas? Comment oses-tu? La pète bête que l'a tué! C'est notre maman truie qui m'envoie. Elle me fait te dire qu'Erkush est venu sur sa commande. On t'a pas oublié et on va te faire de plus en plus mal. Le novice ne pouvait pas en entendre davantage. Déjà sous un réflexe incontrôlé, il avait planté son opinel dans le crâne mou de la bestiole. Il sentit une onde électrique, le choc mental, très limité par la taille de la créature et sa propre résistance de tueur, et puis un souvenir du porc grelet, sortant de la vulve de sa mère, couvert de mucus, heurtant ses frères et sœurs dans le matin puant de la vie. Au presbytère, il y avait de la vaisselle dans le lavier. Dans un saladier, la babette mit de la farine, 3 œufs, du lait, du sel. Elle prit une cuillère, tatouilla la pâte et y ajouta un gros bol de cerises. Ensuite, elle mit sur le feu la tourtière et la poêle. Elle jeta dans chaque ustensile un morceau de sein doux, versa quelques cuillerées de pâte, elle frisa au bord et se dora. Elle retourna les beignets, on les entendait griller. D'ordinaire, ce fumet faisait accourir le prêtre comme une mouche sur la bouse. Comme il ne venait pas, la Germinie Colneau en déduisait qu'il s'était absenté. Elle commença à fouiller les placards et l'armoire. Où est-ce que tu les planques, tes objets mémoriels, nom de vieux? Je peux vous aider? C'était la sœur Marie des Eaux. La sacristine devint encore plus rouge que les séquelles de l'ébouillantement le permettaient. Si le père Houillon n'avait pas accouru sous l'impulsion des effluves de beignets, c'est qu'il était occupé avec son monde. Depuis qu'il avait une babette, il se piquait de recevoir, et ce jour-là, le sibylan Riquet, le nono Élie et l'oncle Mouchotte avaient répondu à l'invite. Le sibyl, parce qu'il ne savait pas dire non, et le nono Élie et l'oncle Mouchotte, parce qu'ils se détestaient trop pour laisser à l'autre l'opportunité de gagner seul des ragots. Quand la Germinie Colneau le rapporta à la chicorée, suivie du novice comme un garde suisse, le curé était en plein dans une de ces anecdotes dont il avait le secret. « Le plus sapré des enfants de cœur que j'ai pu avoir, ça a bien été le nénès. Hein. Celui-là, le bon vieux, lui est jamais rentré dans la tête. Il y avait trop de foin à l'intérieur. Une fois, pendant la messe d'érogation, alors que l'église était bourrée à craquer, que tout le monde chantait en chœur, « Voilà, Tipac, mon nénès s'agite et fouille sous les bancs. » Moi, je décide de le laisser faire. J'ai d'autres chats à fouetter, c'est quand même la messe la plus suivie de l'an. Et donc, je reprends d'une voix bien forte mon « Dominus vobiscum, et cum spiritus Deo. » Et voilà Tipac, le nénès se tourne vers moi, la colère au visage, et me fait « Chut !» Puis « T'es repas tant biscouné, j'ai repris Enrette. »« T'aurais pas tant biscoumé, j'aurais pris une souris. » Il était donc maintenant aux côtés du Florence, ce soir-là, cette noire nuit-là, au carrefour que désormais on appellerait plus autrement que le carrefour de l'enfant Rollo. Le novice n'en revenait toujours pas de cette capacité qu'il avait, comme beaucoup d'autres des amnésiques de ces régions, à pouvoir s'immerger de façon aussi réaliste dans tout récit du passé. Le Florence faisait plus que lui raconter. Il était caché dans les fougères putrides, à croupetons avec lui, à revivre ce moment. Les arbres étaient penchés autour d'eux en conciles resserrés. Au croisement des quatre chemins, l'enfant Rollo, la peau bleue mais bien vivant, un bâton dans une main et un sac dans l'autre. Le Florence murmurait comme si les acteurs du passé risquaient de l'entendre. En fait, cette nuit-là, on l'a invité à chasser le Darou. Tu veux dire qu'il a été le dindon de la farce? Ben, au début, ça s'est passé comme prévu. On lui a dit de se poster là, et qu'on rabattrait le Darou sur lui. Mais bien sûr, on s'est pas pointé. Sauf moi, je me suis planqué là parce que je voulais voir sa tête. Bien entendu, le Daru n'est pas venu non plus, puisque c'est une farce. Eh ben, l'enfant Rollo, tremblant de peur et de froid, répétait « Daru, Daru, venez d'Omosaka !» Le fleurance Jacobin mit son index sur sa bouche, intimant le plus profond silence. Pour un gamin tueur de chats à moitié rapace, il faisait soudain preuve d'une sacrée faroucherie. C'est alors que la chose se traîna jusqu'au carrefour. La sœur Marie des Eaux crut d'abord à un loup, mais c'était plus grêle, et ça avait deux pattes plus courtes que les autres. La beusse était vêtue en poil de cul ou en crin de roc, difficile à dire. En tout cas, son pelage était répugnant. Elle avait une gueule plate, garnie de chicots en désordre, avec des yeux jaunes tout pisseux. Son grôlement était long comme un tambour, avec des accents de jubilation. Les genoux de l'enfant Rollo battaient la mesure l'un contre l'autre. Darou, Darou, fit-il en claquant des dents. Venez d'Homosac?